dans le métro, la foule qui grouille, qui sont tous ces gens-là? Je frotte mes yeux, encore à gare, y a du brouillard dans ce monde nouveau. Une poche, je fouille, j'en sors un carat. Je m'attarde sur les quais, enfin je suis parmi vous. Voici enfin mes rêves au but, non pas pour moi, Madame Minute. Il faut que j'aille chanter, on m'attend. Assis sur les marches de la butte, sans prétention pour la clé d'ut, j'y abolis la paille, le soir de mes 20 ans. J'ai dû rêver, fini l'adolescence. J'ai ainsi connu mes amis, on a chanté toutes mes chansons pour qu'un jour je monte sur une scène. J'ai ainsi connu mes amis, les vrais, les faux, les profitons. Mais vous qui ce soir venez à ma rencontre, je suis crevé, mais suis heureux. J'ai ainsi connu mes amis, on a chanté toutes mes chansons pour qu'un jour je monte sur une scène. J'ai ainsi connu mes amis, les vrais, les faux, les profitons. Mais vous qui ce soir venez à ma rencontre, je suis crevé, mais suis heureux.